Quelle est la différence entre le sens et les implications de l'attestation de foi ? Cheikh Abdelrahman Al-Mikhlef. Question. Y a-t-il une différence entre le sens et les implications de l'attestation ? Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Réponse. Ce qui est visé par le sens est ce qui est indiqué dans l'expression comme établi dans la langue arabe. Et donc, la question du désaveu de l'idolâtrie ou de l'écartement de l'adoration d'un autre qu'Allah Ta'ala établit l'expression. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Les musulmans sont unanimes que l'islam n'est pas valide sans le désaveu de l'idolâtrie et de l'orgueil. Et il y a unanimité sur cette signification est comprise dans l'expression La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Les musulmans sont unanimes que l'islam n'est pas valide dans sa réalité sans le désaveu des idolâtres et des orgueilleux. Par contre, ils divergent quant à savoir si cet aspect est compris dans l'expression Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah ou si c'est une de ses implications. Et donc, le désaveu de celui qui commet de l'idolâtrie est obligatoire en islam, à l'unanimité. Le Cheikh Abdelrahman Ibn Hassan el-Cheikh a dit « Tous les savants anciens et contemporains, des compagnons et leurs disciples, jusqu'aux imams et l'ensemble des sunnites sont unanimes pour dire qu'un homme ne devient musulman qu'après s'être dépouillé de toute idolâtrie majeure, s'en être totalement séparé, ainsi que de ceux qui la commettent, les avoir détestés, et s'être distingué d'eux dans la mesure du possible et de la capacité, et d'avoir consacré toutes ses œuvres qu'à Allah. » Voir dans Ad-Durar Saniya 11, numéro 545. « Et Allah demeure le plus savant. » Ibn Taymiyyah a dit « Le asl de la foi se trouve dans le cœur. Le nom de foi est tantôt donné à ce qu'il y a dans le cœur, comme les paroles du cœur et les actes du cœur, qui sont la confession, l'amour, la vénération, etc. Et les paroles apparentes et les actes en sont l'implication, qui est imposée par la foi du cœur. » et qui sont une preuve de cette foi du cœur. Majmour Fatawa 7, numéro 551. Ceci, car le asl de la foi est ce qui se trouve dans le cœur. Quant aux actes apparents du corps, ceci est l'implication de la foi du cœur. Et il est inimaginable qu'il y ait la foi obligatoire dans le cœur en l'absence de la totalité des actes du corps. Majmour Fatawa 798.